ça et je m'en tape. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour la chronique Je m'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel, et je suis heureuse de vous présenter cette chronique dont le principe est de rendre accessible une notion de développement personnel et de donner des éléments concrets pour avancer. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler des croyances. Alors pas des croyances religieuses, donc je ne parlerai pas de résurrection, de temple de Jérusalem, de Coran, de Shiva ou encore de Tao. Je vais plutôt vous parler des croyances limitantes ou ressourçantes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une croyance ? Nous avons tous des croyances sur le monde, la vie, nos comportements, nos capacités, nous-mêmes, les autres, sur ce qui est possible ou impossible, sur notre confiance en nous-mêmes, sur ce que nous valons, etc. Une croyance, c'est une sorte de jugement sur la réalité, un présupposé, un a priori, une règle, une norme que nous avons intériorisé comme valable. C'est une affirmation que l'on tient pour vraie mais qui n'a pas forcément de fondement scientifique ou pour laquelle nous n'avons pas de preuve définitive. Par exemple, « je n'ai pas de chance »,« je suis moche »,« je peux pas changer » sont des croyances limitantes puisqu'elles vont être un frein à l'action. Si je crois que je suis moche, je vais m'interdire certaines expériences ou me limiter dans mes comportements. Par exemple, éviter de porter certains habits ou de sortir avec certains types d'hommes. Si je crois que la Terre est plate, eh bien je vais m'arrêter au bord et j'aurai jamais l'occasion de faire le tour du monde. Je peux également avoir des croyances ressourçantes, du type « je suis capable »,« j'apprends vite »,« chaque jour je me réinvente », qui vont me permettre de grandir, de mobiliser mes ressources pour avancer. Par contre, attention aux fausses croyances ressources, si je crois que je peux voler et que je saute d'un building, eh ben ça marche pas, ou plutôt ça vole pas. Nous avons tous une multitude de croyances dans tous les domaines de nos vies, et ces croyances sont un peu comme des lunettes de vue qui vont nous faire voir le monde d'une certaine manière. Et pour maintenir un équilibre de cette vision, nous allons faire coïncider nos comportements et pensées avec nos croyances. Mais d'où viennent les croyances, me demanderez-vous ? C'est pas sorcier, Fred, il pousse sur le croyancier, ce petit arbre de Jamaïque. Non, je déconne. Le cerveau du bébé, lorsqu'il naît, n'est pas terminé. Et pour certains, il ne le sera jamais d'ailleurs. Il pèse 400 grammes à la naissance et environ 1,4 kg à l'âge adulte. Pendant les premières années de sa vie, le bébé est dans une sorte d'état hypnotique. Il va donc télécharger et engrammer tout ce qui vient de l'extérieur. Il n'est pas capable de filtrer les informations, il intègre ainsi une partie des croyances liées à ses parents, sa culture, son environnement. Les croyances naissent aussi des événements que nous vivons. Je vous rappelle rapidement comment fonctionne le cerveau. Nous avons une bibliothèque de mémoire, l'hippocampe, dans laquelle sont stockés tous nos souvenirs. Bien sûr, nous avons l'impression de ne nous souvenir que d'une partie, mais en fait, tout est là. Cette bibliothèque de mémoire sert à nous adapter au monde dans lequel nous vivons. Mon cerveau enregistre un souvenir, encapsulé d'émotions, et développe une croyance associée. Par exemple, je vais à la piscine pour la première fois avec l'école, j'ai 6 ans, mon instituteur me jette dans le grand bain pour m'apprendre à nager. La croyance populaire à cette époque, c'était « lorsqu'un enfant ne sait pas nager, jette-le à l'eau, s'il remonte c'est bien, sinon tant pis ». Je manque de me noyer, mais heureusement ce gentil professeur finit par me tendre une perche. J'enregistre dans ma bibliothèque de mémoire le souvenir teinté d'émotions, par exemple la terreur, la honte, la colère, et je développe une croyance associée. Par exemple, l'eau est dangereuse, ou encore les instituteurs ont toujours une perche. À partir de ce souvenir engrammé dans mon système, mes comportements vont changer. Lorsque je vais m'approcher d'une piscine ou d'un endroit où il y a beaucoup d'eau, mon système va chercher dans sa bibliothèque de mémoire s'il a déjà vu une expérience similaire. Il va retrouver ce souvenir, il va activer la branche du stress de mon système nerveux autonome, tout ça dans le but de me protéger. Donc en gros, dans mon cerveau, ça fait ça. Hey les mecs, vous avez pas déjà vu ce truc ? Ah ouais, attends, la dernière fois qu'elle a été à la piscine, elle a failli mourir. Vite les gars, faut la sortir de là. Et là, le système, il va tout faire pour me sauver la vie. Autrement dit, je vais activer un des trois mécanismes de défense, la fuite, l'attaque ou faire le mort. Et des croyances avec l'eau, je vais en revivre. Soit elles vont venir renforcer ma croyance de base, l'eau est dangereuse, soit elles vont venir me rassurer, l'eau n'est pas toujours dangereuse. Et plus ma croyance va être forte d'expériences emmagasinées, plus mon système va se mettre en action pour valider cette croyance. Je vais créer ce que je crois. Mes croyances influencent mes pensées, mes décisions et mes comportements. Par exemple, si je crois que je ne mérite pas d'être aimé et qu'une personne me manifeste de l'amour, je vais me dire qu'il y a un intérêt caché, que la personne ne m'aime pas sincèrement, qu'elle veut profiter de moi. Comment pourrait-on aimer une personne comme moi ? Et ainsi, je vais adapter mes comportements à ma croyance. Donc je vais être dans l'évitement, dans le rejet, et tout ça dans le but de me protéger. Si je crois que Martine ne m'aime pas et qu'elle passe justement devant moi sans me dire bonjour, je vais venir valider cette croyance en me disant « Ah bah tu vois, elle m'aime pas et c'est pour ça qu'elle m'a pas dit bonjour ». Si au contraire je pense qu'elle m'aime bien et que Martine passe sans me dire bonjour, je vais me dire « Oh mince, elle a pas l'air d'aller bien !» et je vais m'inquiéter pour elle, ou alors je vais me dire « Ah bah elle m'a pas vue. Hé Martine !» Si je crois que les hommes ne savent pas s'occuper des enfants, je me réserverai cette tâche et ferai peu participer mon conjoint. Avant même de lui demander ce qu'il en pense et quelle est sa position sur le sujet, je vais partir de ma croyance et mettre en place des comportements qui vont la valider, quitte à le lui reprocher par la suite d'ailleurs. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, comment fait-on pour les changer, Jamy ? La première bonne étape serait évidemment de les identifier. Et pour ça, vous pouvez choisir une situation pour laquelle vous êtes bloqué. Alors prenez un stylo et écrivez « Je veux » suivi du résultat que vous souhaitez. Enfin, n'écrivez pas ça, hein. Écrivez le résultat que vous souhaitez. « Mais je n'arrive pas parce que... » Et répondez sans réfléchir. Plus votre réponse sera spontanée, plus elle sera juste. Par exemple, « Je veux m'alléger de 10 kilos, mais je n'y arrive pas parce que j'aurai plus de plaisir dans ma vie si je mange sain. Et parce que j'aime pas faire du sport. » Laissez vraiment venir tout ce qui vous passe par la tête. Parfois, il faut se donner du temps et de l'expérience pour que les réponses viennent facilement. Un autre exemple, je veux changer d'orientation professionnelle, mais je n'y arrive pas parce que je suis trop vieux pour changer et parce que c'est super risqué de changer en cette période. Pour identifier vos croyances, vous pouvez aussi être plus attentif à votre discours et à celui des autres d'ailleurs. Au travers d'une conversation, vous allez sans même vous en rendre compte exprimer tout ce qui vous bloque. J'y arriverai jamais, on peut pas se remettre de quelque chose d'aussi grave, je dois construire une famille pour être heureux. En Lorraine, il fait toujours un temps pourri. Enfin ça, c'est peut-être pas une croyance. Une fois que j'ai identifié mes croyances qui m'empêchent d'atteindre mon objectif, je peux essayer de comprendre d'où elles viennent. Est-ce que je les ai apprises de quelqu'un ? À quel moment j'ai décidé de les adopter ? Et surtout, est-ce que ces croyances me sont favorables ou non ? Et si c'est pas le cas, bah, par quelle autre croyance je pourrais les remplacer ? Notez ces nouvelles croyances et puis relisez-les régulièrement pour vous en imprégner et surtout allez créer de nouvelles expériences qui viennent les valider. Une autre manière de modifier ces croyances, c'est la technique EFT, Emotional Freedom Technique. Puisque les souvenirs sont colorés d'émotions et de croyances, si j'apaise les émotions d'un souvenir, la croyance n'a plus de raison de tenir. Autrement dit, si j'apaise le souvenir de l'instituteur qui me balance dans le grand bain et qu'il devient neutre émotionnellement, mon système n'a plus de raison de garder la croyance que l'eau est dangereuse. Et ainsi, je vais adopter une nouvelle manière de me comporter face à l'eau. Je vous invite à réécouter ma précédente chronique sur le sujet de l'EFT. Maintenant que vous avez compris ce que sont les croyances, vous avez le pouvoir de les modifier ou non. Commencez simplement par les identifier en vous observant un peu plus. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour une nouvelle chronique. Je m'en tape. Je m'en tape. Je m'en tape. C'est comme ça et je m'en tape.